Selon le journal d'internet sud-coréen Le Vrai Monde, plus de 30 000 ouvriers du secteur public ont organisé le 4 courant au quartier universitaire à Séoul un meeting, alors que la grève générale du milieu ouvrier contre la politique de travail des autorités gagne en ampleur. Le 29 septembre, le journal d'internet sud-coréen Minzok Ilbon a inséré un éditorial qui appelle à renverser le pouvoir de Park Geun-hye par la mobilisation générale des masses populaires.